الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الظلم لمن أعظم الأمور التي نهى عنها الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن الظلم مرجع السيئات كلها إليه فالشرك ظلم والبدعة ظلم والمعصية ظلم Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que l'injustice fait partie des plus grandes choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ainsi que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car l'injustice est la chose vers laquelle toutes les interdictions et tous les péchés reviennent. Car le shirk est une injustice. Et la bid'a est une injustice. Et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est une injustice. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل جامع عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية a expliqué, il a dit que tout ce qui réunit les bonnes choses c'est la justice et tout ce qui réunit les péchés c'est l'injustice et ça c'est un grand fondement qui réunit toutes les principes de l'islam et toutes les règles de l'islam قال ابن عبد البر الظلم حرام قليله وكثيره وتختلف آثامه على قدر اختلافه لأن للظلم وجوها كثيرة فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه وجملتها لا تحصى كثرة أي نعم دونك الإمام ابن عبد البر explique et il dit que l'injustice c'est haram que ce soit en grande quantité ou en petite quantité. Et la valeur de ce péché de l'injustice est divergente, c'est-à-dire que selon les différentes sortes d'injustice, elle peut être grande en péché comme elle peut être plus petite. Donc c'est-à-dire qu'il y a des degrés d'injustice. Et on ne peut pas même énumérer ou dénombrer la quantité de péchés ou de sortes d'injustice qui existent, car il y en a trop. Mais la plus grande et la plus importante de toutes les formes d'injustice, c'est le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui donner des partenaires dans l'adoration et d'adorer autre avec lui ou d'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des formes d'adoration. Tandis que les plus petites formes d'injustice, Elles sont tellement cachées que peut-être qu'on ne peut même pas arriver à les connaître, tellement elles sont minuscules ou infimes ou petites. Et la quantité d'injustices qui existent ne peut même pas être dénombrée, tellement elles sont nombreuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener chacune de nos actions, même si elle est minuscule, même si elle pèse le poids d'une atome. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, et il dit « Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, wa la yazlimu rabbuka ahada » Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il ne fait pas le poids d'une graine de moutarde d'injustice. Il ne fait pas une atome d'injustice à quiconque. Et il explique que ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Et notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi ne faisait aucune injustice à personne. Et il avait peur de commettre de l'injustice. An Anasin radiallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره رواه البخاري. Anas rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait al-hijama, il allait se faire faire al-hijama, lorsqu'il le faisait, il le faisait d'injustice à personne et il donnait à chacun son salaire. Il avait peur de commettre de l'injustice envers quelqu'un, donc il donnait à chacun un salaire pour le travail qu'il avait fait. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرجو أن ألقى الله وليس لي أحد لي مظلمة. C'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Il dit selon Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je souhaite que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir aucune injustice envers quiconque. Sans avoir fait d'injustice à quiconque. Wa kana yasta'idhu billahi an yasdura minhu adh-dhulm aw an yasdura alayhi. An Abi Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم رواه النسائي. Et donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم demandait la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait de commettre de l'injustice ou contre le fait de subir une injustice. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: oh Allah, je cherche refuge en toi contre la pauvreté, je cherche refuge en toi contre le petit nombre et l'humiliation, et je cherche le refuge en toi contre le fait de faire de l'injustice à quelqu'un ou de subir une injustice. وَالظُّلْمُ فِي اللُّغَةِ خِلَافُ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ وَوَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ تَعَدِّيًا imma naqsan aw ziyadatan. Donc l'injustice, il a été défini dans la langue arabe comme ayant la signification de ce qui est le contraire de la lumière, le contraire de la lumière, le contraire de la clarté. Donc c'est les ténèbres, c'est la noirceur. Et ça signifie également de mettre une chose à autre qu'à sa vraie place, dans le but de transgresser ou de dépasser la limite de quelque chose, soit en ajoutant ou en diminuant. Donc, celui qui met quelque chose à autre qu'à sa place, ou essaie de prendre une place qui ne lui est pas réservée, ou bien d'enlever ou de rajouter dans quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, il commet une injustice. Et c'est pour ça que les savants ont expliqué que l'islam est une religion de justice. Et ils disent, l'islam est une religion de justice et non d'égalité. Car parfois l'égalité est injustice. Et donc il faut savoir donner à chacun ce qu'il mérite et à chacun ce que Allah subhanahu wa ta'ala a remis et a donné, et non pas de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant vouloir établir une justice quelconque. Et le terme zulm, les trois lettres qui le composent, le dha et le lam et le mim, sont mentionnés dans le Coran plus de 200 fois avec ses dérivés. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit: الظلم ثلاثة أنواع. ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها. وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم. وظلم في حق الرب بالشرك به. الإمام ابن القيم الجوزية a mentionné que les catégories d'injustice sont de trois. Donc il y a trois formes d'injustice ou trois catégories d'injustice. Une injustice envers soi-même, qu'on fait en suivant nos désirs et en préférant suivre nos désirs sur l'obéissance de notre Seigneur. Donc ça, c'est la première catégorie d'injustice. L'injustice contre soi-même, en suivant nos désirs et nos péchés, hein, et en faisant des péchés. La deuxième catégorie d'injustice, c'est l'injustice vis-à-vis yani, des autres personnes et des autres créatures, en transgressant contre eux et en leur faisant du tort. Donc ça, c'est la deuxième catégorie d'injustice. Quand tu transgresses contre les autres, quand tu leur fais de l'injustice, quand tu leur fais du tort. Et la troisième, hein, également lorsque tu les prives de leurs droits. Et la troisième forme d'injustice, c'est l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le shirk avec lui, hein, et en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc tout ce que la révélation a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement interdit à cause de l'injustice qu'elle implique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué, il a dit: ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit revient à l'injustice, et tout ce qu'il a ordonné revient à la justice. Et donc les trois catégories d'injustice, hein, on va les expliquer une après l'autre dans cette khutbah. La première catégorie, ظلم العبد لربه, c'est-à-dire l'injustice que le serviteur fait envers son Seigneur. Et c'est la plus grande forme de toutes les injustices, hein, et c'est souvent celle qu'on ne mentionne jamais. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de droit et lorsqu'ils parlent de justice, ils mentionnent uniquement le droit et la justice qui leur revient à leur propre individu, à leur propre personne. Et ils ne pensent qu'à demander leur droit à eux, et ils oublient le plus important et le plus grand de tous les droits, hein, et la plus grande forme d'injustice, qui est le kufr et le shirk et le nifaq, c'est-à-dire la mécréance, l'association et l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ash-shirka la dhulmun azim, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui donner des partenaires et d'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, c'est la plus grande forme d'injustice qui existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que celui qui ne fait pas de shirk aura la sécurité, et que celui qui commet le shirk, c'est-à-dire qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui adore d'autres avec Allah, il n'aura pas de sécurité au jour de la résurrection, et que le shirk est une énorme injustice. Wa an Abdillah qal lamma nazalat alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا كل من منا لا يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc, Abdullah, il explique lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans le Coran qui mentionne la signification suivante, que ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi d'injustice, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. Donc, lorsque les musulmans ont entendu ce verset, ils ont trouvé ce verset difficile. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, qui d'entre nous ne fait pas de tort à lui-même? Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, non, ce n'est pas la signification du verset. L'injustice dont on parle dans ce verset, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais c'est uniquement le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils? Lorsqu'il lui donne une exhortation et il lui dit, ô mon fils, ne fais pas le shirk avec Allah. Le shirk est certes la plus grande des injustices, c'est-à-dire n'associe pas avec Allah et n'adore pas d'autre que Allah. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué ce verset et ce hadith, et il dit que ce qui a été dur pour eux, c'est qu'ils ont pensé que l'injustice en question est l'injustice du serviteur contre lui-même, lorsque le serviteur fait des péchés. et qu'il désobéit à Allah en faisant des péchés et des injustices à lui-même. Et que la sécurité qui était promise dans le verset, c'est que la guidance n'était possible que pour celui qui ne fait pas de tort à lui-même. Alors, ils ont trouvé cela difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que le shirk est une injustice et que c'est la plus grande injustice dans le livre d'Allah. Donc, nul n'aura la guidance et la sécurité au jour de la résurrection et dans cette vie, sauf celui qui n'aura pas couvert ou mélangé sa foi de ce type d'injustice, c'est-à-dire du shirk. Et il sera donc parmi les gens de la sécurité et de la guidance. Mais cela ne veut pas dire en même temps qu'il ne sera pas pris pour compte pour les péchés qu'il a commis et le tort qu'il a fait à sa personne s'il ne se repent pas des péchés qu'il fait et de l'injustice qu'il fait contre lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man ya'mal su'an yujzabih » c'est-à-dire quiconque fait du mal, il sera rétribué pour ce mal. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Ô messager d'Allah, est-ce que nous allons être rétribués pour chaque mauvaise action que nous faisons ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit « Yarhamukallah ya Abu Bakr, alesta tansab, alesta tahzan, alesta tusibuka al-la'wa, fahadha ma tujzawna bihi » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu et lui a dit « Que Allah te fasse miséricorde, ô Abu Bakr, n'est-ce pas que tu es pris de fatigue, n'est-ce pas que tu es attristé parfois ?» Et donc tout ce qui t'arrive et tout ce qui te touche de ces choses-là, voilà les choses par lesquelles tu seras rétribué. Et donc ce qui signifie que parfois Allah subhanahu wa ta'ala nous fait subir des difficultés ou des péchés, hein, pour nos péchés dans cette vie. Il nous fait subir des malheurs, il nous fait subir de la fatigue, de la tristesse et des ennuis. Et ces choses-là effacent ou sont considérées comme des genres de rétribution pour nos péchés et nos désobéissances dans cette vie d'ici-bas. Donc celui qui se repent entre au paradis et il se peut qu'il soit puni pour ses péchés dans cette vie d'ici-bas par des malheurs. Hein? Donc celui qui est sauvé des trois sortes d'injustices, il aura la sécurité complète. C'est-à-dire celui qui n'a pas fait de tort à lui-même et qui n'a pas fait de tort aux autres et qui n'a pas été injuste envers son Créateur en associant avec lui, il aura la sécurité complète et la guidance complète. Tandis que celui qui se fait du tort à lui-même aura de la sécurité et de la guidance dans le sens qu'il ira certainement au paradis, puisqu'il n'a pas fait de shirk. Tôt ou tard, il ira au paradis, comme cela est promis dans d'autres versets dans le Coran. Comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on donne un associé à lui dans l'adoration ou qu'on fasse du shirk avec lui. Mais il pardonne à qui il veut tout autre péché. Hein? Il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre que le shirk. Et donc, il a été guidé au droit chemin dont la conclusion est le paradis. Parce que, même s'il commet, il a commis de l'injustice envers lui-même, mais il a quand même la base de la guidance, c'est-à-dire qu'il est sur le tawhid et l'unicité d'Allah et qu'il n'a pas commis de shirk majeur. Et il aura moins de sécurité et moins de guidance selon ce qu'il a eu comme diminution de la foi à cause de l'injustice contre lui-même qu'il a commise. Donc, c'est-à-dire que la sécurité et la guidance, elle est relative. C'est pas quelque chose qui est complet ou qui est fixe, mais ça peut augmenter et ça peut diminuer. Et plus le croyant s'accroche à l'obéissance d'Allah, plus sa sécurité et sa guidance sera grande, et plus il diminue dans son obéissance, eh bien, moins sa sécurité et moins sa guidance sera grande également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire par le shirk que celui qui n'a pas fait de shirk majeur aura la sécurité et la guidance complète. Car de nombreux textes expliquent que les gens qui commettent des grands péchés seront confrontés au jour de la résurrection à une peur. Ils auront peur et leur sécurité et leur guidance ne sera pas complète. Et ne sera pas comparable à ceux qui ont été bien guidés au jour de la résurrection et qui auront compléter les trois catégories qu'on a mentionnées, par exemple, qui n'auront pas fait d'injustice à eux-mêmes ni aux autres et qui n'ont pas, bien entendu, commis d'injustice envers leur Créateur en commettant du shirk avec lui. Donc, il y aura pas, tout le monde n'aura pas le même degré de sécurité au jour de la résurrection et tout le monde n'a pas non plus le même degré de guidance. C'est relatif à notre obéissance et à notre désobéissance envers notre Créateur et notre Seigneur. Donc, les bien guidés auront plus de sécurité et seront dans la guidance complète, s'ils ont été complètement bien guidés et qu'ils se sont soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ceux qui ont commis des péchés ou de l'injustice envers eux-mêmes ont quand même la base de la guidance, hein, et la base du droit chemin et la base de la grâce. Et c'est pour ça qu'ils entreront à la fin au paradis. Donc ça, c'est la fin de l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans le verset « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Ce verset-là, c'est très important à comprendre. Parce que ça nous explique en fait les principes et un fondement dans l'islam que le plus grand de tous les péchés, c'est le shirk. C'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala et de donner des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et que celui qui a commis ce péché-là, Allah ne lui pardonnera jamais. S'il meurt en ayant commis du shirk, c'est-à-dire en ayant invoqué d'autres que Allah ou adoré autre que Allah, que ce soit une idole ou une tombe ou un mort ou un saint ou un ange ou un djinn ou peu importe qu'est-ce qu'il a invoqué ou adoré en dehors d'Allah, ça c'est du shirk, c'est de l'association qu'il a commis, hein? Comme ceux qui adorent les morts et qui adorent les tombes et qui adorent les prophètes et qui adorent les anges et qui adorent les saints, ceux-là, en ayant commis ce péché-là, ils se sont privés du paradis. Et ils sont garantis à l'enfer éternel pour avoir associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah a dit qu'il ne pardonnera pas ce péché-là, le shirk. Hein? Et il pardonne par contre tout autre péché que quelqu'un peut commettre à qui il veut. L'imam Ibn al-Qayyim explique que le shirk est la plus grande des injustices, la plus laide de toutes les laideurs. Et la plus mauvaise des choses mauvaises qui existent. Elle est donc la plus détestée et celle que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus. Et il a donc préparé comme punition pour le shirk ce qu'il n'a préparé pour aucun autre péché, dans cette vie et dans l'autre. Hein? Et il n'a pas préparé un châtiment plus grand que le châtiment qu'il a préparé pour le shirk. Et il a informé qu'il ne pardonnerait jamais celui qui meurt sur le shirk, et que les gens qui commettent le shirk sont des gens qui sont najas. Hein? Il a mentionné dans le Coran comme étant « Innama al-mushrikuna najasun », c'est-à-dire qu'ils sont une impureté en eux-mêmes. Et il leur a même interdit d'approcher son sanctuaire, c'est-à-dire la Mecque. Hein? Il nous a interdit de manger leur viande. Hein? Et il nous a interdit également d'épouser leurs femmes. Et il a interdit l'amour entre les gens du shirk et les mu'minines. Et il a fait d'eux ses ennemis, ainsi que les ennemis de ses anges, les ennemis de ses messagers et les ennemis des croyants. Et il a permis aux gens du tawhid de les combattre et de prendre leurs biens, leurs femmes et enfants en esclavage. Hein? Car le shirk est une attaque contre son droit exclusif à la rububiyya, c'est-à-dire à la rububiyya, que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de l'univers. Celui qui adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il prétendait avoir quelque chose du royaume d'Allah et de sa souveraineté. Donc il veut prendre à Allah une chose qui appartient à son droit exclusif. Et c'est donc une insulte également à son droit exclusif de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous donne tout, qui nous a créés, qui nous a donné l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, qui nous donne l'air, hein, qui nous donne la lumière et qui nous donne la chaleur, tout ce qu'il nous fait, et nous, au lieu de le remercier pour les grâces qu'il nous donne, on va adorer d'autres que lui, on va remercier d'autres que lui. Est-ce que ça, c'est pas la plus grande injustice? Et donc, c'est juste un exemple pour montrer à quel point celui qui commet du shirk est ingrat. Et comment celui qui commet du shirk est injuste envers son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran et il dit ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va punir les hypocrites et les femmes et hommes hypocrites. Et les hommes et les femmes, mushrikins, ceux qui commettent le shirk, qui pensent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala des mauvaises pensées. Hein? Qui pensent à propos d'Allah des mauvaises pensées. Et donc ça c'est l'exemple des mushrikins. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Celui qui transgresse les limites d'Allah سبحانه وتعالى, voilà les injustes. Et il mentionne à propos de certains d'entre eux, les hommes qui désobéissent à certaines des règles d'Allah, il dit « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » Et quiconque fait cela a certes fait de l'injustice envers lui-même. Et c'est ce qui nous amène donc à expliquer et à parler de la deuxième catégorie d'injustice, c'est-à-dire l'injustice que l'homme fait à sa propre personne. Et bien entendu, la personne qui fait de l'injustice à sa propre personne, ça peut comprendre, bien entendu, les trois sortes d'injustice aussi. Puisque lorsque quelqu'un associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une injustice envers son Seigneur. Et ça représente en même temps une injustice contre sa personne aussi, puisque il fait en sorte qu'il soit, par la suite, mis en enfer. Hein? Et son corps sera brûlé, et il brûlera dans l'enfer à cause de cette injustice-là, qui est la plus grande des injustices. Donc il se fait du tort à lui-même en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se fait du tort à lui-même en faisant des péchés et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il se fait du tort à lui-même lorsqu'il fait de l'injustice envers les autres et lorsqu'il fait du tort aux autres. Donc, on peut voir que les trois catégories d'injustice entrent dans le fait de se faire du tort à soi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et il dit « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » C'est-à-dire, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a fait de l'injustice, mais c'est eux-mêmes qui se font du tort hein, à leur propre personne. Donc tous les péchés sont du zulm contre soi-même. Chaque péché qu'on commet rentre dans l'exemple de l'injustice qu'on fait contre soi-même. De même que les innovations que quelqu'un amène dans la religion, hein, ça représente aussi de l'injustice qu'on fait contre soi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Comme on a mentionné dans le verset précédent, que Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Donc si quelqu'un commet un péché hein, qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à qui il veut. S'il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ça c'est certain. Mais s'il meurt sans se repentir de ce péché-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah va lui pardonner et par sa justice et par sa miséricorde, et si Allah veut, il va le punir également pour le purifier de ce péché-là hein, et par sa justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qudsi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Oh mon serviteur, j'ai rendu interdit pour moi-même l'injustice. Et à cause de ça, je l'ai rendu interdite entre vous, les uns envers les autres. Fala tadhalamu. Alors ne faites pas d'injustice entre vous. » Donc ça, c'est la troisième catégorie d'injustice, c'est-à-dire l'injustice que les serviteurs font les uns contre les autres. Et ça, c'est également une des formes d'injustice qui est parmi les graves, les très graves formes d'injustice, de faire de l'injustice et de faire du tort aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que l'homme, dans sa nature même, est injuste. Inna l'insana la zalumun kaffar. c'est-à-dire l'homme, est certes injuste et ingrat. Et donc ça, ça fait partie même de la nature de l'être humain d'être injuste. Et l'imam As-Sa'di, il a expliqué, et il a dit à ce sujet-là, dans son tafsir du Coran, il dit « Ey, hadhihi tabi'atu l'insan » من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حق في حقوق ربه وكفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه فقام به. Donc l'imam al-Sa'di il explique et il dit que l'injustice c'est la nature de l'être humain, du fait que l'être humain est injuste et qu'il transgresse et qu'il commet les péchés et qu'il a des manquements dans les droits de son Seigneur, il a des manquements envers son Seigneur dans ses droits et qu'il est ingrat, hein? Il commet des péchés, il manque dans les droits de son Seigneur et il est ingrat, il ne se souvient pas des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait et il n'est pas reconnaissant, il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces que Allah lui donne et il n'est pas reconnaissant envers ses grâces, excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé et qui a donc été reconnaissant envers les grâces d'Allah et qui a reconnu le droit que son Seigneur avait sur lui et qui l'a mis en application. Et l'injustice que quelqu'un fait contre une autre personne ne sera pas pardonnée qu'après qu'il y ait eu réparation de cette injustice. C'est pas la même chose que lorsque quelqu'un se fait une injustice à lui-même. Lorsque quelqu'un fait une injustice à sa propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonne si elle se repent, ou bien si il meurt sur ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire miséricorde. Tandis que l'injustice que quelqu'un fait à une autre personne, elle ne sera pas pardonnée, sauf si la personne répare ce péché-là et cette injustice-là qu'elle a fait envers l'autre. Soit qu'elle la répare dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'elle corrige et qu'elle répare le tort et l'injustice qu'elle a commise envers une autre personne, ou bien avant, lorsque les croyants seront au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va établir un endroit avant, après avoir traversé le pont, juste avant d'entrer dans la porte du paradis, il y aura un endroit où les hommes vont régler leur compte avant de rentrer au paradis. Donc si quelqu'un a fait une injustice à quelqu'un d'autre, il aura à réparer ces fautes-là. Et parmi les exemples de ça, c'est par exemple lorsque quelqu'un a fait de l'injustice envers un autre en parlant contre lui, en parlant dans son dos. Hein? Donc il a dit du mal de lui en son absence. Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à la personne de qui on a parlé, hein, derrière son dos, va vers la personne, hein, qui a parlé contre toi dans ton dos, et prends de ses hasanat, hein, prends de ses bonnes œuvres et mets-les dans ta balance. Et l'autre, et si il n'a pas suffisamment de bonnes actions, il va dire dans ce cas-là, prends de tes péchés à toi et va les mettre dans sa balance à lui pour réparer, hein, cette injustice-là qui avait été faite dans cette vie d'ici-bas. Et donc ça c'est un exemple, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une injustice qui a été commise dans cette vie d'ici-bas, excepté qu'elle sera, elle devra être réparée, soit dans cette vie d'ici-bas ou soit dans l'autre. Et parfois, c'est possible qu'on arrive à s'échapper de la justice des hommes, mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et voit tout. Et qu'il y a deux anges qui nous suivent et qui écrivent à chaque instant nos œuvres et nos actions. Et donc, l'injustice que quelqu'un a commise peut échapper aux hommes dans cette vie d'ici-bas, mais elle ne peut pas échapper au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection. Donc, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice qui sera parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit l'injustice dans plusieurs versets dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça aux hommes, et il a dit « Ayyuhan nas, ittaqu al-zulm, fa inna al-zulma zulumatun yawm al-qiyamah » C'est-à-dire, ô les hommes, craignez l'injustice, et prenez garde à l'injustice, car l'injustice formeront des ténèbres au jour de la résurrection. Donc prenez garde à l'injustice. L'injustice que vous faites à vos propres personnes, hein, ou l'injustice que vous faites aux autres, soit par votre corps, vous portez atteinte à quelqu'un dans sa personne, soit le meurtre, ou les coups, ou les insultes, hein, vous attaquez son honneur en faisant des accusations, hein, ou bien en prenant les biens de quelqu'un par le vol, hein, ou d'autres moyens, d'autres sortes d'injustices de ce genre. Tout ça, c'est des différentes catégories d'injustices aussi. Et sachez également que l'islam nous ordonne d'aider l'opprimé et de venir à sa défense et de prendre son support, de le supporter et de l'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Unsur akhaka zaliman aw mazluma » c'est-à-dire « Aide ton frère et viens à son aide, même si, qu'il soit opprimé ou qu'il soit injuste. » Qu'il soit injuste ou qu'il soit l'opprimé. Et les sahaba ont dit « Ô messager d'Allah, on comprend qu'on doit aider notre frère lorsqu'il est opprimé. Mais comment peut-on l'aider alors qu'il est injuste ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous l'aidez en l'arrêtant de commettre de l'injustice. » Vous l'aidez en le stoppant, en l'empêchant de commettre cette injustice-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les hommes contre ceux qui font de l'injustice par rapport à leurs invocations. Qu'ils soient musulmans ou non, si vous faites de l'injustice à quelqu'un, yani, s'il invoque Allah contre vous, cette invocation-là sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ » فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre Allah et cette invocation-là. Donc faites attention à l'injustice et faites attention au zulm et soyez juste entre vous et respectez les droits que les uns ont sur les autres et donnez les droits qui sont sur vous et respectez vos devoirs envers Allah, envers les créatures et vous serez sauvés au jour de la résurrection et vous aurez la sécurité et la guidance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واحفظنا واحمنا واجعلنا من هداة المهتدين واجعلنا يعني لا نظلم أحدا ونقوم بحقوقك وحقوق الخلق أجمعين بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي للصلاة حي للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ne laissez pas d'espace entre vous, don't leave any gaps between you. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى